الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 108 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى dans son livre التعليق القويم. Et on était en train d'expliquer les paroles des ulama al-Malikiyya, les ulama du madhhab al-Maliki, qui parlent des questions qui ont rapport avec l'interdiction d'imiter les kuffars, et que beaucoup d'entre les points qu'ils ont mentionnés dans leur livre sont des points qui clarifient que pour les ulama al-Malikiyya, la raison de lorsque quelqu'un, par exemple, parmi les ulama mentionne quelque chose comme étant une imitation des kuffars, il mentionne ça comme un point qui justifie son interdiction. Hein. Le simple fait que quelque chose soit, par exemple, une imitation des kuffars, ça suffit pour eux pour que ce soit interdit. Et comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah le mentionnait, que les paroles des ulama du madhhab al-Maliki sont encore plus strictes et plus dures que celles du madhhab al-Hanafi à ce sujet-là. D'accord? Et on a mentionné plusieurs points à ce sujet au dernier cours. Et là, il dit maintenant, Cheikh al-Fawzan, il dit, وَقَوْلُهُ وَكَانَ قَالَ وَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي حَجَرٍ مُنْفَرِدٍ فِي الطَّرِيقِ يعني مما روي عن مالك أنه كره أن يتخذ سترة في الصلاة من حجر واحد لأن هذا يشبه من يعبد الأحجار لكن إذا كانت حجارة كثيرة فلا بأس لزوال المحذور وهذا مما يدل على مبالغته رحمه الله في منع التشبه بغير المسلمين. Donc le cheikh ici il mentionne que l'imam Malik, il a été rapporté à son sujet qu'il interdisait de prendre une sutra pour la salat, comme si de prendre une pierre unique, hein, une pierre isolée. Donc même si par exemple il y a une pierre quelque part et que toi tu veux prendre une sutra, donc tu te mets devant cette pierre pour prier, le cheikh il dit que l'imam Malik lui il interdisait ça, il considérait que c'était pas permis parce qu'il y a dans le fait de se placer devant une pierre comme une sutra, comme une barrière, ça c'est quelque chose qui ressemble à ce que font les adorateurs des roches, des pierres, les gens qui adorent des pierres. Donc pour éliminer cette ressemblance, il a interdit qu'on prie devant une pierre isolée. Toutefois, si c'est un amas de pierres ou bien plusieurs pierres en même temps, plusieurs rochers, alors dans ce cas-là c'est pas grave, parce que étant donné qu'il y en a plusieurs, ça enlève l'idée qu'on est en train d'adorer cette pierre, puisqu'il y en a plusieurs. Et il dit ça vous montre à quel point l'imam Malik était très strict dans l'interdiction de l'imitation des non-musulmans. Il dit ensuite wa qawluhu wa yakrahu tark al-amal yawm al-jum'ah, ay kariha Malik rahimahullah ta'til al-amal yawm al-jum'ah بأن يوقف المسلم أعمالهم ويعطل صلاح مصالحهم لأن هذا من التشبه بالكفار في أعيادهم فهم يعطلون الأعمال في أعيادهم كاليهود في يوم السبت والنصارى في يوم الأحد وأما المسلمون فإنهم يعملون في يوم الجمعة لكن إذا نودي للصلاة فإنهم حين ذلك يتركون العمل ويقبلون على الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالآية تدل على أنهم كانوا يبيعون ويشترون في يوم الجمعة لكن إذا سمعوا الأذان أوقفوا البيع والشراء وأقاموا الصلاة فإذا قضيت الصلاة ذهبوا لقضاء حاجتهم وأعمالهم. Donc le cheikh il explique que l'imam Malik il a détesté et il interdit qu'on arrête de travailler complètement le jour du vendredi, c'est-à-dire que de prendre le vendredi comme un jour dans lequel on ne travaille pas. Et il dit que pourquoi? Parce que il y a dans ça une ressemblance avec les koufars. Lorsque les koufars, eux, font leur jour de fête, leur jour de célébration, ils ne travaillent pas. Et donc, les juifs, par exemple, le samedi, ils ne travaillent pas, et les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. Maintenant, ils travaillent, mais avant, ils ne travaillaient pas. Et ça, c'est une chose qui m'a surpris, même en France, le pays soi-disant de la laïcité. Hein? Ici, au Québec, ça a l'air que les Canadiens sont plus laïcs que les Français, parce que le dimanche, ils travaillent. Tandis qu'en France, le dimanche, là, ils respectent le jour du repos. Hein? Le jour du Seigneur, comme ils l'appelaient. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Des fois, ça fait drôle comment certains ils sont tellement extrémistes, hein, dans leurs idéologies qu'ils ont inventées eux-mêmes, et ils prétendent être les gens qui sont en première ligne dans la défense de ces principes qu'ils ont eux-mêmes inventés. Mais pourtant il y en a qui sont moins extrémistes qu'eux, et puis pourtant ils respectent plus ces principes-là. Et pour revenir donc au point que le cheikh explique, c'est que les juifs, donc les chrétiens, les juifs le samedi, les chrétiens le dimanche, ils travaillent pas. Tandis que les musulmans, le vendredi, ils travaillent. Le vendredi, les musulmans, ils travaillent. Il n'y a pas de problème de travailler le dimanche, de travailler le vendredi. Mais quand c'est l'heure de la salat et qu'on appelle, on fait l'adhan pour la salat, alors à ce moment-là, hein, on abandonne le travail et on va faire la salat. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9, dans surat al-Jumu'ah, « Oh vous qui avez cru, lorsqu'on a appelé pour la salat le jour de vendredi, le jour du Jumu'ah, alors précipitez-vous vers le rappel d'Allah et laissez de côté le commerce. » Donc, le verset indique que les musulmans, ils vendaient, ils achetaient le vendredi. Mais lorsqu'ils entendaient l'adhan, ils cessaient toute vente, tout achat, et ils partaient pour établir la salat. Et lorsque la salat est terminée, eh bien, ils retournent faire leur travail, faire leurs affaires. Hein? Alhamdulillah. Le cheikh dit, wa qawluhu, wa qala, wa yuqal, hein, min ta'zim Allah ta'zim dhi shayba. Yani, anna mimma umira bihi al-muslimun, توقير المسلم الكبير في السن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فتوقير الشيبة المسلم من حقوق المسلمين وبعضهم على بعض ولا يعني التوقير أن يقوم الرجل للرجل فإن القيام من باب الإجلال والتعظيم منهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم ويستحب إذا دخل الرجل والمجلس ممتلئ أن يوسع له أخوه في المجلس ولكن لا يقوم أو هو يقيم غيره لا يجوز له ولكن لا يقوم أو هو يقيم غيره ويجلس مكانه بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. Donc le cheikh il dit que également parmi les choses qui font partie du respect d'Allah, il y a le respect de la personne qui a les cheveux gris, hein, ou les cheveux blancs. C'est-à-dire que les musulmans sont ordonnés de respecter le musulman qui est âgé, qui est un âge avancé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas les plus âgés parmi nous et qui n'a pas de miséricorde pour les plus petits d'entre nous. Et donc, le respect des musulmans qui ont les cheveux blancs, eh bien ça fait partie des droits des musulmans les uns envers les autres. Et le fait qu'on respecte le musulman, ça ne veut pas dire qu'un homme va se lever pour un autre lorsqu'il arrive. Hein, lorsque un musulman arrive, il ne va pas se lever pour lui, parce que ça fait partie de l'exaltation puis le respect qui a été interdit envers les créatures, Et donc il dit, il y a dans ça également une ressemblance avec les kuffar et les mushrikin, et il est plutôt recommandé lorsque quelqu'un rentre et que l'endroit est rempli ou bien il y a plus d'espace, hein, d'essayer de faire de l'espace pour la personne pour qu'elle puisse s'asseoir, mais sans se lever, hein, et sans non plus que quelqu'un, lorsqu'il arrive, il dise à quelqu'un de se lever pour lui, hein, pour lui donner sa place. Non, il s'assoit là où l'assise se termine, hein, au bout de la salle. Et il dit wa qawluhu wa qiyamu al-mar'ati li zawjiha hatta yajlis min fi'l al-jababira wa mimma yakrahuhu al-imam Malik rahimahullah qiyamu al-mar'ati li zawjiha. فالمقصود أن القيام للشخص لا يجوز وسواء كان زوجا أو رجلا كبيرا في السن أو صاحب جاه أو منصب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لعلمهم بكراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. Subhanallah. Donc le cheikh il dit, même la femme, elle ne doit pas se lever pour son mari, hein, parce qu'il dit ça, il dit la femme elle n'a pas à se lever pour son mari jusqu'à ce qu'il s'assoie, car cela c'est l'acte des tyrans, c'est la façon d'agir des tyrans. Et il dit, et parmi ce que l'imam Malik a détesté, qu'est-ce qu'il a interdit? Le fait que la femme se lève pour son mari. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le fait qu'une personne se lève pour une autre, cela n'est pas permis, peu importe que ce soit de la part de l'épouse ou d'un homme âgé, pour un homme âgé, hein, qui est avancé en âge, ou quelqu'un qui a un statut ou un respect ou une certaine position, par exemple dans la société, un certain poste, hein, de respect. Mais malgré ça, on n'a pas à se lever pour lui. Parce que même le messager d'Allah, lorsqu'il rentrait chez ses compagnons, il ne se levait pas pour lui. Parce qu'il savait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, détestait qu'on se lève pour lui. Hein? Et c'est le meilleur des hommes. Hein? Subhanallah. Non, mais si quelqu'un, par exemple, il voit un musulman ou quelqu'un qui est personne âgée, qui est fatigué, qui est malade, puis qui ne peut pas rester debout dans les transports en commun, ça c'est pas la même chose, parce que là c'est pas par rapport à c'est pas dans le but que la personne lui montre un respect particulier ou pour les, tu vois, l'honorer de cette façon. Non, là ici c'est plus dans le sens de la miséricorde que tu as pour la personne, dans le but de la soulager parce qu'elle est fatiguée, ou bien une femme enceinte, ou bien par exemple une femme ou un homme qui sont très âgés, qui sont fatigués, ou bien quelqu'un qui est blessé ou qui a une blessure ou un handicap ou quelque chose comme ça. Toi t'es assis alors que t'es en bonne santé, t'es en bonne forme, puis tu vois cette personne là qui est debout, qui souffre, et tu la laisses endurer cette situation là debout. Non, ça n'a pas rapport avec qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant. Maintenant, on est en train de parler d'une situation comme, par exemple, t'es chez des gens ou t'es quelque part et quelqu'un rentre dans la pièce ou rentre dans la maison et puis toi tu te lèves, hein, pour l'accueillir quand il rentre. C'est ça dont on parle, hein. Donc ça, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait, qu'on se lève systématiquement pour une personne. Il dit وقوله وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا اطلع قاموا. يعني يكون القوم جلوسا فإذا جاء من يحترمونه ويجلونه قاموا من باب الإجلال له تعظيما فهذا منهي عنه وقد جاءت أحاديث في النهي عن ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم. دونك أما القيام لحاجة كالسلام على القادم أو القيام لمساعدته في الدخول أو الجلوس فهذا لا مما لا بأس بي مما لا بأس فيه لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وكان جريحا فقوموا إلى سيدكم فدل إلى المنع من القيام المجرد من غير حاجة إليه. Donc ça répond à ton point là tout à l'heure. Qu'est-ce que tu disais? Le cheikh il dit que peut-être que les gens par exemple ils sont assis, ils attendent que quelqu'un arrive. Et quand elle arrive, ils se lèvent. Il dit par exemple si des gens sont assis et que quelqu'un qu'ils respectent et quelqu'un qu'ils aiment beaucoup et qu'ils respectent arrive et donc ils se lèvent pour lui montrer l'honneur et le respect. Il dit ça c'est interdit. Et il y a des hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là pour montrer l'interdiction de ça. Parce qu'il y a dans ça une imitation des mushrikin. Il dit toutefois, s'il y a un besoin de se lever, comme par exemple pour donner le salam à quelqu'un qui arrive, ou bien pour aider quelqu'un à entrer ou à s'asseoir, ça n'y a pas de mal. Il dit c'est comme qu'est-ce qui est arrivé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Ansar lorsque Sa'd ibn Mu'az est venu sur un cheval sur un âne il était blessé. Alors il leur a dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Abu Sa'id al-Khudri, il a dit levez-vous pour votre chef pour votre maître parce qu'il était le chef de la tribu. Et donc il a dit levez-vous pour votre chef parce qu'il est blessé. Pour l'aider, pour descendre de l'âne. Donc il dit que ça c'est la preuve que l'interdiction c'est uniquement de se lever quand il n'y a pas de besoin de le faire. Mais si par exemple, comme tu disais tout à l'heure, tu es dans un endroit où une salle d'attente, ou bien dans par exemple un autobus ou les transports en commun ou le métro, et que tu vois que par exemple quelqu'un est debout et il a besoin de s'asseoir, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est blessé, soit parce qu'il est handicapé, soit parce que par exemple la personne est âgée, ou bien soit parce que c'est une femme qui est enceinte ou bien une femme qui porte un enfant ou un homme qui porte un enfant ou des choses comme ça, alors oui, dans ce cas-là tu vas laisser ta place, il n'y a pas de problème. Tu vas te lever, il n'y a pas de problème. Naam. Ensuite, le cheikh il dit: وقوله وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم وليس وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من الكوفيين وأبلغ مع أنه الكوفيين يبالغون في هذا الباب. يعني أن مذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيين مع ما في مذهب الكوفيين رحمهم الله من الاهتمام بهذا الأمر والتحذير من التشبه بالكفار في مفرداته السابقة، إلا أن مذهب مالك أشد في هذا الأمر مما يدل على أنهم كانوا يكرهون التشبه بالأعاجم karahiyatan shadida. Donc le cheikh il dit, et on voit ici il dit le cheikh que dans ce qui a été rapporté de l'interdiction d'imiter les gens du livre et les mushrikin dans les actions qui ne font pas partie des actions des musulmans, ils sont plus sévères encore que les koufiyin, que les ulama de Koufa, les ahnaf. Et il dit malgré que les ahnaf, les koufiyins, ils sont très stricts là-dedans déjà. C'est-à-dire que l'imam Malik, rahimahullah, il est plus sévère que le madhhab des koufiyins, alors que le madhhab des koufiyins, il donne à ça une très grande importance déjà. L'avertissement contre l'imitation des koufars, comme on l'a vu dans les exemples mentionnés dans les cours précédents, dans leur madhab, le madhab des ahnaf. Il dit excepté que le madhab de l'imam Malik, il est plus strict et plus sévère à ce sujet-là. ce qui indique qu'ils interdisaient complètement l'imitation des mouchriquines et qu'ils avaient pour cela ils détestaient cela de façon très forte, très dure. Donc ceux aujourd'hui qui disent ah mais nous on est des malikites, comme si par exemple ils pensent opposer la salafie en disant qu'ils sont malikis. Ils ne réalisent pas que l'imam Malik est un des imams des salafs. Et ils disent nous on n'est pas des saoudiens, on n'est pas des wahhabites, on est des malikites. Et ils pensent que le madhhab de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est le madhhab de l'imam Ahmad, le madhhab de l'imam Ahmad, eh bien il n'est pas différent du madhhab de l'imam Malik. Parce que l'imam Ahmad et l'imam Malik, les deux sont des imams des salafs. Les deux sont sur la voie des salafs et sur la aqida des salafs. Donc ceux qui prétendent que parce qu'ils sont malikis, que ça veut dire que dans ce cas-là, ils peuvent prendre l'islam comme ils veulent et suivre leur passion, ça n'a rien à voir. L'imam Malik était très strict dans ces questions-là et dans l'interdiction d'imiter les mouchriquines et les kuffars et les juifs et les chrétiens. Plus strict même que les ahnaf. Donc qu'est-ce qu'ils prétendent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là? Ils connaissent rien même de l'imam Malik, ni de son madhab. Ils font juste dire qu'ils sont malikis avec la bouche. Mais dans l'aqidah, ils sont en opposition avec l'imam Malik. Et dans le manhaj, ils sont en contradiction avec l'imam Malik. Et dans le suluk, ils sont en contradiction avec l'imam Malik. Parce que dans l'aqidah, ils sont des asha'ira. Et l'imam Malik n'était pas asha'ari. Et dans le manhaj, ils sont sur les manahij des hizbiyin et des gens de bid'a. Ou bien des soufis. Et dans le suluk, la même chose. Ils suivent des turuq parmi les turuq des soufis. Alors que l'imam Malik détestait les soufis. Il détestait les bid'a. Alors comment il pouvait être attribué à autre chose que à la voix des salafs? Donc ça, c'est un point important à comprendre. Parce que ça devient comme une mode maintenant chez certains. C'est comme le dicton qui dit en arabe « Khalif tu'araf ».« Khalif tu'araf ». Tu veux être populaire, fais le contraire des gens. Donc ils voient tout le monde commencer à se mettre sur la voie des salafs et commencer à accepter la salafia. Et eux, pour faire le contraire des autres et pour montrer qu'ils sont pas, qu'ils suivent pas, ils veulent dire non, nous on n'est pas comme les gens, on veut pas suivre les autres, on est original, on va inventer quelque chose d'autre que les gens ils connaissent pas. Et donc ils ramènent comme ils disent, nous on est maliki finalement, on est maliki, on n'est pas salafi. Nasallallahu al-afiyah. Khalif tu'araf. C'est juste pour se faire remarquer. Alors qu'ils connaissent rien au madhhab al-maliki, ils connaissent rien à la voie des salafs, et ils suivent leur passion. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit wa qawluhu hatta takallama ashabu abi hanifa fi takfir man tashabbaha bil kuffar yani balagha min tashaddud al hanafiyyah wa huwa tashaddud bihaq annahum hakamu bikufri man fa'ala dhalik ma'a anna hadha fihi nazar wa tafsil kama sabaq. ولعل هذا أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فأخذوه على ظاهره كما سبق كلام الشيخ رحمه الله بأن هذا الحديث في أقل أحواله يدل على تحريم التشبه بغير المسلمين وإن كان ظاهره يقتضي الكفر. Donc le cheikh il dit que même que parmi les ulama al-ahnaf, les compagnons de Abu Hanifa, ils ont même parlé du takfir de celui qui imite les kuffars, c'est-à-dire de rendre mécréant celui qui imite les kuffars. C'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire que ils ont été tellement durs sur cette question, et ils ont été durs, mais avec raison. Ils ont été durs, mais avec raison, de juger, d'aller jusqu'à même juger que ceux qui émettent les koufars ont commis un acte de kufr en faisant ça. Et le cheikh, il dit, toutefois, bien entendu, il faut analyser cette question et détailler dans les règles qui ont rapport avec ça. Parce que c'est pas toute imitation qui est nécessairement kufr. Il y a des imitations des koufars qui peuvent être un péché. Tandis que l'imitation, dans certains cas, ça peut être effectivement kufr. Mais ça dépend des cas et ça dépend des situations. Et donc, il dit que probablement ils ont pris ce verdict ou cette opinion à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque imite un peuple est un des leurs. » Donc, en voulant dire « Si tu imites le kuffar, donc tu es un kafir. » Et le cheikh, il dit, l'ont pris dans son sens apparent. Et il dit qu'on a mentionné déjà la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet, à propos de ce hadith. Et il indique que le moindre des cas qu'on peut mentionner par rapport à ce hadith, c'est qu'il indique l'interdiction d'imiter les non-musulmans, même si son sens apparent implique la mécréance. Même si son sens apparent indique la mécréance. Mais ça dépend des cas, comme on a dit, et il y a des différents degrés d'imitation des kuffars. Celui qui les imite dans le shirk et dans le kufr, ça c'est shirk et kufr. Oui, ça fait sortir de l'islam. Mais celui qui les imite dans des choses interdites, et dans des innovations qui n'atteignent pas le degré de kufr ou de shirk, alors dans ce cas-là, c'est un péché qu'ils font. Non. Par exemple, celui qui imite les koufars, il veut par exemple mettre ses cheveux comme eux, ou il veut par exemple faire des péchés comme eux, ou des choses comme ça, pour leur ressembler. Alors, il y en a celui-là, il y en a ici, cette chose-là, c'est pas nécessairement koufr en soi. Donc, ça fait pas sortir de l'islam. Donc, il y a des détails. Et ça, on en avait parlé en détail à ce sujet-là. Et c'est important à notre époque, parce que maintenant c'est rendu que beaucoup de musulmans, ils veulent plaire aux koufars et se faire accepter d'eux à tout prix, pour avoir de la célébrité ou pour avoir de la popularité, pour avoir notoriété, pour être connu, pour être célèbre. Et donc, qu'est-ce qu'ils diraient pas pour faire plaisir aux koufars? Et c'est pas difficile, si tu veux te faire connaître des koufars et te faire accepter d'eux, la seule chose que tu as à faire, c'est de dire le contraire de l'islam. Si tu dis tout ce que l'islam interdit, tu le rends halal, tu vas devenir pour eux la vedette numéro un. Ils vont te mettre à la télé, ils vont te mettre partout, comme le meilleur musulman au monde, pour eux. Pourquoi? Parce que c'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent juste des musulmans qui vont dire le contraire de ce que dit l'islam. Tu vois? Donc l'islam interdit, par exemple, l'alcool. Toi, tu viens, tu dis, non, l'alcool, c'est correct. Ils vont dire, ça, c'est un bon musulman. L'islam interdit aux femmes de montrer leur corps. Toi, tu viens, tu dis, non, ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Tu vas devenir le meilleur pour eux. Ça, c'est un bon musulman, modéré, ouvert d'esprit. Tu leur dis, le musulman, il doit vivre comme les chrétiens, comme les juifs, comme les athées, il doit pas se distinguer. Oh là, oui, ça c'est un bon musulman, ça. Tu dis, oui, l'homosexualité, c'est correct, il n'y a pas de problème. On dit, ça c'est un bon musulman, il est moderne, il est évolué, il a tout compris, le vrai sens de notre civilisation et de nos mœurs, de nos valeurs occidentales, des valeurs de la République ou je sais pas quoi. Donc c'est pas difficile de se faire aimer des koufars, mais malgré ça, le résultat et la conséquence qui attend la personne qui agit comme ça, comme un hypocrite, comme un munafiq, c'est l'enfer dans l'au-delà, et peut-être même des châtiments dans cette vie d'ici-bas, même s'ils ne le réalisent pas. Donc les kuffars, comme Allah le dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion, que ce soit le christianisme ou le judaïsme ou la laïcité ou l'athéisme ou n'importe quelle autre voie. Ils ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu les suives. Et même si tu les suis, malgré tout, même encore là, peut-être qu'ils ne vont même pas t'accepter à 100%. Ils vont toujours avoir un petit doute. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit ensuite, ouais, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue maintenant. Mais il va maintenant citer des positions du madhab. Ça c'est encore le madhhab al-Maliki. Après il va citer les paroles du madhhab al-Shafi'i et les paroles de l'imam Ahmad par la suite. Donc il dit: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكِ مَنْ ذَهَبَ بِالطِّيخَةً مَنْ ذَبَحَ بِالطِّيخَةً فِي أَعْيَادِهِمْ يعني في أعياد الكفار فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ خِنْزِيرًا وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم كما جاءت به الآثار كما ذكر غيرهم من العلماء. قال يعني مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين وذكروا أيضا في الشروط على أهل الذمة منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن من منع المسلمين أيضا من مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. Donc le cheikh il dit que certains parmi les compagnons de Malik ont dit: celui qui sacrifie un melon durant leur fête, je ne sais pas comment on peut sacrifier un melon, en voulant dire qu'il coupe un melon, hein, celui qui coupe un melon durant leur fête, c'est comme s'il avait égorger un porc. Les compagnons de l'imam Malik qui ont dit ça. Il dit de même que les compagnons de l'imam Shafi'i, ils ont mentionné ce fondement-là dans plusieurs points de leurs questions. Là maintenant, ils vont mentionner des exemples du madhhab Shafi'i. Il dit, par exemple, lorsqu'il parle des narrations qui ont été rapportées à leur sujet, il dit comme certains ulama parmi eux, parmi les Shafi'iyyah, parmi les ulama, ils ont mentionné par exemple l'exemple de l'interdiction des prières dans les moments dans lesquels on n'a pas le droit de prier. Comme par exemple au moment du lever de soleil, hein, après la prière de Fajr, hein, jusqu'à ce que le soleil se soit levé, de même que après l'Asr, avant le coucher de soleil. Et ils ont mentionné comme raison dans l'interdiction de faire ça, de prier dans ces moments-là, que les mushrikines se prosternaient au soleil pendant ces moments-là. Et que le hadith qui rapportait selon Abi Umama par l'imam Muslim, Il dit, c'est le moment dans lequel les kuffars se prosternent au soleil. Et ils ont mentionné aussi par rapport au fait de retarder le suhur, que c'est la distinction entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, puisque nous on retarde le suhur. Et ils ont mentionné également les vêtements aussi, dans l'interdiction des musulmans de porter, pour un homme musulman de porter les vêtements dans lesquels il y a une ressemblance aux femmes. Donc les hommes n'ont pas le droit de porter les vêtements dans lesquels il y a une ressemblance aux femmes, et les femmes musulmanes n'ont pas le droit de porter des vêtements dans lesquels il y a une ressemblance à l'homme. Donc ils ont mentionné ça comme exemple. Et puis il dit « wa dhakaru aydan ma ja'a min anna al-mushrikeen kanu yaqifuna ». Donc ils ont mentionné également ce qui a été rapporté du fait que les mushrikeen, ils se tenaient à Arafat jusqu'à ce que le soleil devienne jaune, jusqu'à ce que peut-être par rapport au soleil ici. Il dit yufiduna min jam'i ba'da tulu'i ash-shams. Donc et puis il déferlait par la suite de Muzdalifa après le lever du soleil. Et la sunna est venue pour les contredire, parce qu'on quitte Arafat après le coucher de soleil seulement, et on se tient à Muzdalifa. Attendez, wal wuquf bijam'in ila qubayl tulu'i ash-shams. Donc jusqu'avant donc à Muzdalifa on part et on déferle jusqu'à après la prière, avant le lever de soleil, tandis que eux ils attendaient que le soleil se lève. Donc dans les hadiths, il y a la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit khaliful mushrikin wa khalafa hadyuna hadiy al mushrikin, c'est-à-dire yani contredisez les mushrikin, distinguez-vous d'eux, notre voix s'est distinguée et a contredit la voix des mushrikin. Donc il fait partie de l'islam de ne pas les imiter, de les contredire. Il dit également qu'ils ont rapporté dans les conditions qui ont été établies à propos des gens de la Zimma, les juifs et les chrétiens qui désirent vivre dans les pays musulmans sans abandonner leur religion, leur fausse religion. Donc s'ils désirent vivre dans les pays musulmans sans abandonner leur fausse religion, eh bien dans ce cas-là, ils doivent respecter certaines conditions pour pouvoir demeurer dans les pays musulmans. Et parmi ces conditions-là, c'est qu'ils n'ont pas le droit de s'habiller comme les musulmans et de porter les mêmes vêtements que les musulmans. Et ce qui implique et ce qui comprend également l'interdiction des musulmans de leur ressembler également. Parce que si eux n'ont pas le droit d'imiter les musulmans, c'est clair que les musulmans n'ont pas le droit de les imiter eux aussi. Et de distinguer entre les signes d'un musulman et d'un non-musulman. Le signe des musulmans et le signe des koufars. Ça veut dire que les musulmans, par exemple, dans les pays musulmans, s'il y a des chrétiens dans ce pays-là, juste au regard, en regardant l'habillement, on devait être capable tout de suite de distinguer qui est musulman, qui n'est pas musulman. Et ça, c'est triste que dans beaucoup de pays musulmans, par exemple, peut-être un nombre, disons, on est dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou dans d'autres pays, où il y a beaucoup de musulmans, peut-être même une population presque équivalente de musulmans et de non-musulmans, ou même parfois il y a une majorité de musulmans, et des fois c'est une minorité musulmane. En tout cas, il n'y a pas vraiment des fois de distinction. Dans certains pays, tu vas pas voir une différence entre les chrétiens et les non-musulmans, les chrétiens et les non-musulmans, par exemple les koufars et les musulmans, tu peux pas les distinguer parce qu'ils s'habillent pareil. Ça, c'est des choses, quand tu vois ça, c'est très mauvais, parce que après, à cause de ça, tu peux pas distinguer qui est musulman, qui est pas musulman. Et ça, c'est pas correct. Donc les musulmans dans les pays comme ça, ils doivent apprendre à se distinguer des koufars et s'habiller différemment des koufars pour que lorsqu'on voit un musulman, on sache tout de suite, ah, lui c'est un musulman, lui c'est un musulman, regarde, il est habillé comme ça, ça veut dire c'est un musulman. Et même dans les pays non musulmans, ça c'est très important aussi. Et il y a un passage à ce sujet-là dans le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, justement, de Iqtida Sirat al-Mustaqim, pour les musulmans qui vivent dans les pays de Kufr. Et que, par exemple, ils montrent pas nécessairement ouvertement leur religion dans leurs vêtements, dans leur apparence, que dans certains cas, il peut y avoir une excuse pour ça. Si ça facilite pour eux la da'wah, ou si ça facilite pour eux le fait d'avoir moins d'ennuis ou moins de problèmes, dans certains cas, oui. Mais toutefois, n'empêche que le musulman, il doit quand même essayer le plus possible de se distinguer des mouchriquines et des koufars. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce qu'on a lu. Tous les points qu'on a lus jusqu'à date dans cette page, le cheikh maintenant, il va commenter là-dessus. Donc il dit, premièrement, وقوله وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم يعني أن أصحاب مالك زادوا على ما قاله أصحاب أبو حنيفة في عدم جواز إظهار الفرح في أعياد المشركين بأن من ذبح في أعياد المشركين بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا وإن كان ذبح البطيخ أو وإن كان ذبح البطيخ وأكل البطيخ جائزا ولكن لما فعل هذا في يوم عيد الكفار صار ممنوعا لأن فيه تشبها بهم. Regarde qu'est-ce qu'il explique le cheikh. Il dit que les compagnons de Malik, ils ont dit celui qui a coupé un melon le jour de leur fête. Et ça, c'est pour dire, Yanni, que parce qu'il utilisait le terme dhabaha, égorgé, comme s'il a égorgé le melon. Et donc, il dit, les compagnons de Malik, ils ont rajouté à ce que les compagnons de Abu Hanifa avaient dit. Du fait qu'on n'a pas le droit même de montrer de la joie dans la fête des mouchriquins, les jours de fête des mouchriquins. Et donc, les compagnons de Malik, ils ont rajouté à ça en disant que quiconque pendant les fêtes des mouchriquines coupe un melon, c'est comme s'il avait égorgé un porc. Parce que à la base, Cheikh Al-Fawzan dit, à la base, couper un melon, c'est permis, et manger le melon, c'est permis dans l'islam. Mais étant donné que quelqu'un a fait ça le jour de la fête des koufars, ça devient interdit, parce qu'il y a dans ça une imitation des koufars. Et donc c'est comme la même chose pour les musulmans parfois qui demandent est-ce qu'on peut acheter une bûche de Noël ou faire une dinde le jour de Noël ou le jour de l'an ou des choses comme ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça parce que ça c'est une imitation des koufars et des mouchriquins dans leur fête. Et d'autres qui demandent la question parce qu'il y a de plus en plus de musulmans, le jour de l'Halloween ils déguisent les enfants, ils leur mettent des déguisements et ils passent dans la rue pour demander des bonbons aux enfants. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Ça c'est une imitation des mouchriquins et des koufars dans une de leurs pratiques ou une de leurs fêtes les plus diaboliques. Ben oui, parce qu'ils se déguisent en diable, se déguisent en sorcière, se déguisent en monstre. Et puis ils passent dans la rue avec ça, donc. Et le pire, c'est que tu vois des musulmans qui font ça. Des femmes avec le hijab qui passent dans la rue, puis tu vois leurs petits-enfants mais déguisés. Et puis ils disent non, il n'y a rien, c'est pas grave, c'est juste pour amuser les enfants. C'est ça l'inconscience. Ça, c'est un exemple de l'inconscience. Quand quelqu'un il est inconscient, c'est ça qu'il fait. Il pense que tout est innocent, qu'il n'y a pas de mal. Réalise pas la gravité de ça. Il dit وقوله وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم أي أن الشافعية كذلك ذكروا أمورا تدعو إلى عدم مشابهة الكفار، منها أنهم منعوا الصلاة في الأوقات التي يعظم فيها المشركون آلهتهم، لأن هذا فيه تشبه بهم، وهذا من باب سد الذريعة كما سبق، فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع في كبد السماء، ولا عند الغروب حتى يتكامل غروبها، لأن هذه الأوقات يعظم فيها الكفار آلهتهم، فيكره للمسلم أن يفعل العبادة لله عز وجل في هذه الأوقات، في هذه الأوقات التي يعظم فيها المشركون آلهتهم منعا للتشبه بهم. وإن كان المسلم لا يقصد التشبه بهم لكن لا يصلي في هذه الأوقات من باب سد الذريعة، وهذا مما يؤكد مخالفة المشركين ومنع التشبه بهم. Donc le cheikh il explique que parmi les questions que l'imam Shafi'i et les compagnons de Shafi'i ont mentionnées à propos de ce fondement-là, l'interdiction d'imiter les kuffars, il y a plusieurs questions, et il dit donc parmi celles-là qui appellent ou qui invitent à ne pas imiter les kuffars, il y a l'interdiction de la prière dans les moments dans lesquels la prière est interdite, et ce sont les moments dans lesquels les mushrikoun adorent leurs idoles, hein, parce que il y a le fait d'adorer Allah dans ces moments-là une imitation des mushrikin. Et pour fermer la porte à cette idée-là et à cette pensée-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prie, hein, dans ces moments-là, lorsque le soleil se lève jusqu'à ce qu'il ait atteint une certaine hauteur dans le ciel, et lorsque le soleil se couche jusqu'à ce qu'il soit complètement couché. Et ce sont les moments dans lesquels les adorateurs du soleil et les mushrikoun, les idolâtres, parmi les kuffars, ils vénèrent le soleil dans ces moments-là. Donc il est détestable pour le musulman, hein, d'adorer, hein, de faire des prières dans ces moments-là, même si le musulman qui le fait, il le fait pour Allah. Il adore Allah, hein, il adore pas le soleil. Mais malgré ça, pour éliminer la ressemblance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Hein. Et il dit, c'est pour éliminer la ressemblance, même si le musulman, son intention, ce n'est pas de leur ressembler. Donc dans la ressemblance, on ne tient pas compte de l'intention. Beaucoup de gens disent, oui, mais mon intention, c'est pas d'imiter les kuffars, moi je fais ça parce que je veux le faire ou je l'aime. Même si ton intention, c'est pas de les imiter, tu dois pas le faire. C'est-à-dire que at-tashabbuh, c'est pas nécessaire que ce soit relié à l'intention du tashabbuh, la ressemblance. C'est pas une condition que tu aies l'intention de les ressembler pour que ce soit une ressemblance. Parce que tu leur ressembles même si tu n'as pas l'intention de leur ressembler. Et donc dans ce cas-là, ça devient interdit. Et donc il dit, dans les moments dans lesquels il y a une interdiction de prier, eh bien tu dois t'abstenir de prier dans ces moments-là pour fermer la porte. Hein? Et ça fait partie de ce qui vient confirmer l'ordre de contredire les mushrikin et l'interdiction de leur ressembler dans l'islam. Il dit وقوله وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيامهم وصيام أهل الكتاب. يعني أن الشافعية رأوا في تأخير السحور الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم منعا للتشبه بأهل الكتاب في صيامهم، فإنهم يصومون قبل الفجر، والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فلما تأخر السحور إلى طلوع الفجر كان ذلك أفضل، لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب في صيامهم. وبناء على ذلك فإن الذين يتسحرون ويصومون من غير سحور ويصومون من غير سحور وهم يقدرون عليه أو يتسحرون مبكرين قد خالفوا السنة وتشبهوا بأهل الكتاب والبدع. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples qui ont été mentionnés également dans le madhhab al-Shafi'i, c'est le fait de retarder le suhur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à le faire, dans le but de ne pas imiter les gens du livre, les juifs et les chrétiens, dans leur façon de jeûner. Parce que les juifs et les chrétiens, ils jeûnent avant le lever de l'aube. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue la ligne blanche de la ligne noire de l'aube, c'est-à-dire la naissance de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au maghrib, le verset 187 dans sourate al-Baqara. Puis le cheikh il dit, yani plus tu retardes le suhur avant le lever de l'aube, mieux c'est. Il dit parce qu'il y a dans ça le fait de contredire les gens du livre dans leur façon de jeûner. Et donc, en se basant là-dessus, ceux qui font pas de suhur du tout et qui jeûnent sans faire de suhur, c'est-à-dire ils mangent pas avant l'aube dans leur jeûne, alors qu'ils sont capables de le faire, ou bien ils font le suhur mais très tôt, c'est-à-dire peut-être après l'Isha ils mangent avant de se coucher, ils ont contredit la sunna. Et ils ont imité les gens du livre et les gens de la bid'ah. Le cheikh il dit ensuite, وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء ولقد جاءت الأحاديث بالنهي عن ذلك فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المشبهات من النساء بالرجال في اللباس وغيره وذلك بأن تلبس المرأة لبسة الرجل ذلك بأن تلبس المرأة لبسة الرجل أو يلبس الرجل لبسة المرأة لأن في هذا تحولا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهذا يدل على أن الذكر ليس كالأنثى فالأنثى لها صفة ولها لباس ولها عمل خاص بها والرجل كذلك ولا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ عمل الآخر أو يلبس لبسة الآخر لأن الله فاوت بينهم وجعل لكل صنف ما يليق به. Donc le cheikh il dit, de même qu'ils ont rapporté, c'est-à-dire les ulama de Al-Hanafiya, les ulama du madhab Al-Hanafi, ils ont rapporté dans les questions qui ont rapport avec les vêtements, l'interdiction de tout ce qu'il y a, de tout ce dans quoi il peut y avoir une ressemblance entre les hommes et les femmes. Et donc, il y a des ahadiths qui sont authentiques sur l'interdiction pour les hommes de s'habiller comme des femmes ou des femmes de s'habiller comme des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille en femme ou qui essaie d'imiter les femmes et la femme qui essaie d'imiter les hommes, que ce soit dans les vêtements ou dans autre chose, c'est-à-dire que ce soit dans les vêtements ou dans la façon de mettre les cheveux ou dans la façon de parler ou dans la façon de bouger ou dans la façon d'agir. L'homme, il doit ne pas imiter les femmes et la femme ne doit pas imiter les hommes. Tu vois des jeunes filles maintenant, Allah al-Musta'an, parmi les filles musulmanes, elles ont une éducation, tu te demandes, est-ce qu'elles sont des garçons ou des filles? Elles n'ont aucune féminité, aucune timidité, aucune pudeur. Yani, elles parlent comme si elles sont des garçons, elles ont appris même les mêmes façons de s'exprimer que des garçons. Aucune retenue, aucune réserve. Yani, nasallallahu al-afiyah. Et puis tu vois des garçons, c'est comme si on dirait que c'est des filles. Efféminés, ils parlent comme des filles, ils bougent comme des filles. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est interdit. Et donc le cheikh il dit, ça montre que ça c'est quelque chose qui est interdit. La femme ne doit pas s'habiller comme l'homme, l'homme ne doit pas s'habiller comme la femme. Puis les koufars, eux, ils disent, non mais ça c'est des conventions qui ont été établies par la société. Il n'y a pas une façon pour un homme d'agir, il n'y a pas une façon pour la femme d'agir. Un homme peut agir comme une femme peut agir comme un homme. À la fin, c'est parce que l'être humain, il vient d'un singe, et le résultat d'une évolution, et on vient tous du Big Bang, hein, et on a évolué depuis l'étape, depuis le stade du singe jusqu'à le stade de l'être humain, avec deux sexes, mâle et femelle, et puis on s'est inventé des structures, des rôles et des conventions sociales, et là on est comme emprisonné dans ça. Et donc eux ils disent il faut se libérer de ça. L'homme il peut agir comme la femme peut agir comme l'homme. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de limite, tout est permis. Ça c'est la croyance des koufars et des mouchriquins aujourd'hui. Et ils poussent cette da'wa maintenant avec force. Même que maintenant ils sont en train d'essayer de faire croire aux gens que yani, les transgenres, eux aussi ils ont des droits, puis qu'il faut accepter les gens qui veulent changer de sexe comme ça, devenir un homme, devenir une femme. Il n'y a plus de limites. Et là on ne parle pas de ceux qui sont nés avec des malformations, ou bien qu'ils ont eu par exemple les deux sexes à la naissance et qu'on ne savait pas reconnaître lequel des deux ils étaient parce qu'ils avaient les signes des deux, comme on en parle dans les livres de fiqh. Hier, je regardais ça dans le chapitre des héritages. Il parlait, Cheikh Al-Fawzan, de Al-Khuntha Al-Mushakkal. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ceux qui ont les hermaphrodites, ceux qui ont les deux sexes, mâle et femelle en même temps. Et il disait, est-ce qu'ils ont la part de l'homme ou la part de la femme dans l'héritage? Et dans les questions de mariage aussi, il parle de ces questions-là. Les fuqaha, ils ont parlé de ça depuis des siècles dans l'islam. C'est connu. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Les koufars, ils en parlent comme s'ils veulent faire un désordre dans la société. Ils veulent détruire la cellule familiale et la base même de la société avec ces idéologies-là. Donc les musulmans, nous, on ne doit pas rentrer dans leur jeu et pas se laisser influencer par leur délire, parce que c'est des choses qui vont nous amener à l'égarement, hein, et même peut-être au kufr, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que si tu rentres dans ça, l'homme commence à s'habiller comme la femme commence à s'habiller comme l'homme, eh bien ça va changer la fitra dans laquelle Allah a créé les hommes. Et donc il dit que ça c'est la preuve que l'homme il n'est pas comme la femme n'est pas comme l'homme, et la femelle, elle a des caractéristiques, elle a un vêtement et elle a un rôle, un travail qui lui est particulier et spécifique. Et l'homme la même chose, l'homme il a ses caractéristiques, il a les vêtements qu'il doit porter et il a des rôles à respecter. Et il n'est pas permis à l'un des deux sexes de vouloir remplir le rôle de l'autre, ou de s'habiller avec les vêtements de l'autre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a séparé entre les deux et a distingué entre les deux, et il a donné à chacun ce qui lui convient. En toute justice, il n'y a pas d'injustice là-dedans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera ça demain, inshallah, ou pas demain, mais la semaine prochaine, parce que c'est le lundi, ce cours-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته